Chapitre 6. Quand Élisabeth sortit de sa cachette le vieux sac de l'aïeul et fit glisser sur une table, devant Willibald, les joyaux de l'hindou, il demeura un moment médusé. « Qu'est-ce que cela ? » dit-il enfin. Après qu'elle le lui eût expliqué, il prit entre ses doigts le fameux collier pour l'examiner de plus près. « Il doit avoir une très grosse valeur. Vous n'aurez pas l'occasion de vous en servir, Élisabeth. » Aussi n'en ai-je aucunement envie. Je vais renfermer de nouveau tout ce trésor où il était, mais vous voyez qu'à l'occasion, nous aurons de quoi payer l'entretien de Montparou et même autre chose si c'est nécessaire. » Elle disait « nous » en le regardant avec une grave tendresse. Étendant le bras, il attira contre son épaule la tête aux brillantes boucles brunes. « Oui, nous, Élisabeth, nous deux. » Dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, nous continuerons la lignée des Ruden dans ce Montparou délivré de celle qui le déshonorait. » Une ombre couvrit le regard heureux d'Élisabeth. « Mais mon père, que le crime de cette femme n'a pu séparer d'elle. Oh, Willibald, j'aurais voulu l'en délivrer, lui aussi. Hier, en rentrant d'Aigle Blanche, nous avons croisé la voiture qui les emmenait tous deux. Elle a tourné vers moi son visage au passage. Il était très pâle et le regard qu'elle m'a jeté, ah, quelle haine !» Elle frissonna. Pendant un instant, Willibald s'assombrit. Pensait-il à la blonde Agathe aux yeux célestes, à l'enfant déjà formé par elle au mensonge? Cette Agathe, qui avait sournoisement essayé de l'asservir à ses volontés, comme l'avait fait sa mère pour Rodolphe de Ruden. Un coup fut frappé à la porte. Florestine entra. Elle dit, avec une gravité nuancée d'émotion, « Je viens prendre congé de mademoiselle. Demain matin, je partirai. » Élisabeth lui tendit les deux mains. « Priez pour moi, Florestine, priez pour nous deux. » Le regard si doux, si pur dans le maigre visage mat, alla d'Élisabeth à Willibald. « Oui, mademoiselle, je ne vous oublierai pas. Ma pauvre demoiselle aurait été contente de ce mariage. Elle m'a dit, le lendemain de ce soir où elle vous avait vu au pavillon de l'étang, « Ma nièce Élisabeth doit être une vraie rudaine. J'ai compris que vous lui aviez plu. » La femme de chambre se retira. Elle allait, joyeuse et calme, accomplir son œuvre d'expiatrice, déjà commencée près de la femme fantasque, aigrie, malade d'esprit, qu'avait été Calixte. Une femme au cœur passionné dans un corps difforme. Douloureuse destinée que n'avait pas consenti à spiritualiser mademoiselle de Ruden. Ce matin, en ouvrant le petit coffret d'ébène pour remplir la volonté exprimée par sa tante, Élisabeth y avait trouvé des fleurs séchées, une photographie d'homme, figure jeune et d'une mâle séduction, une lettre qu'elle avait brûlée sans y jeter les yeux. Mais elle devinait ce qu'elle contenait, se souvenant de ce que lui avait dit son père en lui parlant d'Hubert de Riancé. Calixte, sans doute, l'avait trouvée puis lue. Quel dommage que son pauvre corps soit si terriblement déformé. Sans cela, mon cher, je demanderais aussitôt sa main à madame de Ruden. Elle avait lu cela. Ainsi, pour toujours, avait été ravagée sa vie. À l'heure où le soleil commençait de disparaître derrière les hauteurs boisées, Élisabeth et Willibald descendirent le sentier de la poterne. Ils se séparèrent sur la route, lui regagnant Aigle Blanche, elle s'en allant vers le village. Elle voulait apprendre à l'abbé Forgues ses fiançailles, qui ne seraient officielles que plus tard, Willibald laissant passer quelques mois sur son veuvage. Élisabeth trouva le prêtre dans son jardin, occupé à l'émondage d'arbustes trop exubérants. Il écouta en silence, puis eut un sourire qui adoucit un instant son visage austère. « Très bien, ma fille. Je me doutais depuis quelque temps qu'il ne vous était pas indifférent, ce cher Willibald, si digne de vous. Depuis quelque temps seulement, mais je l'ai toujours aimé depuis que je le connais. » L'abbé Forgues eut un mouvement de surprise. « Toujours aimé ? Oui, j'ai compris que si j'étais si follement irritée, autrefois, de le voir épouser Agathe et de son dédain, de son hostilité contre moi, c'est que mon cœur était de la partie. » Elle parlait avec simplicité, avec une douce flamme dans le regard. Le prêtre la considérait pensivement. Ainsi, voilà donc l'énigme qu'elle renfermait en elle, sans le savoir, cette âme longtemps secrète et qui s'ouvrait aujourd'hui, joyeuse, dépouillée de mystère. Élisabeth, amoureuse ardente et grave, qui serait une épouse de la plus noble race morale. Et, plus heureuse que sa mère, elle trouverait en Willibald un cœur semblable au sien, une volonté affermie dans le devoir. « J'ai été bien aveugle, mon enfant, » dit-il. Elle eut un petit tremblement des lèvres en répliquant « D'autres l'avaient deviné, la haine est peut-être plus clairvoyante que l'affection. Elle l'a été, en tout cas, cette fois. » Entre les vieux arbres, sur lesquels s'éteignait la lumière, l'étang aux biches reprenait sa teinte sombre d'acier mat. Un vent léger s'élevait, passait sur les roseaux qui bruissaient, ridait l'eau tranquille, meurtrière de trois jeunes vies. Une grenouille coassa, d'autres lui répondirent, et l'étrange concert anima pour un instant la solitude de ces lieux voués à la tristesse des tombeaux.